donc un peu les filles. Allez, ouais, ah, si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG. Ça souffle, en Gironde. Mais je n'entends rien, j'ai le casque dans les oreilles, j'ai la musique dans les oreilles, je n'entends rien. Bienvenue à toutes et à tous sur l'antenne de RIG. Bienvenue dans cette émission Johnny de A à Z, la 599e émission. Et ce soir, on va parler de l'album de la semaine qui est l'album Ma Vérité, sorti le 7 novembre 2005. Et c'est sorti justement sur un fond sonore de bataille juridique avec sa maison de disques historique, Universal Music. On commence tout de suite avec ce premier titre, le titre d'ouverture de l'album, Ma Vérité sur RIG. S'il n'est pas trop tard, quand tu rentreras, j'aimerais bien te parler d'autre chose que de moi. Des actualités, des guerres qui s'annoncent, du jardin d'en bas et dévoré de ronces. S'il n'est pas trop tard, s'il n'est pas trop tard, quand tu reviendras, j'aimerais bien te donner autre chose de moi. Pas ce cœur instable, tu n'as pas idée ce qu'on prend de coups, toujours sous la table. S'il n'est pas trop tard pour te parler, s'il n'est pas trop tard pour te retrouver, je saurai te dire les mots attendus depuis des années. Que j'avais perdu un chemin, je crois, que j'ai retrouvé pour toi. Pour me relever, j'ai besoin de te dire que rien ne pourra plus nous séparer. Ni les guerres qui s'annoncent, ni les douleurs du monde, pas plus que l'enfance envahie de ronces. S'il n'est pas trop tard, quand tu rentreras, s'il n'est pas trop tard, tu reconnaîtras celui qui ne voulait vivre que pour toi, celui qui ne voulait vivre que pour toi. S'il n'est pas trop tard, Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Il n'est

On est à l'ombre de son existence. On a l'accès interdit et la peur dans les regards, les yeux qui changent, oui, le trottoir. Rien à perdre, rien à dire, il n'est que son pire ennemi. Que son pire ennemi et voir danser les flammes dans la nuit. Qui n'a jamais subi le loin du silence, la voix du silence, la voix du silence. Qui n'a jamais connu le prix du silence. Merci. Je n'ai aidé au Palais des Sports le 15 juin 2006. Je fêtais son anniversaire, ses 63 ans. Il va dire bonsoir tout le monde. Peut-être pas maintenant. On va laisser la foule s'égosiller. Mais bien sûr. Bonsoir tout le monde. Ça y est, c'est fait. Voilà. Tout le monde est content, tout le monde est content. Nous allons revenir sur l'album de la semaine qui est sorti le 7 novembre 2005. Et John Hallyday fait la promo de son album. Et donc, le premier talk show qu'il fait, c'est le Grand Journal de Canal+. C'était le 8 novembre 2005. Et là, on va parler en gros du titre « Ma religion dans son regard ». Alors, on va revenir à l'album. Bon, il y a Kyo aussi qui vous a composé. Alors, comment s'est passée la rencontre avec Kyo ? Mais Kyo, je ne les ai pas rencontrés. Kyo, j'ai reçu une maquette de deux chansons, d'ailleurs, j'en ai gardé qu'une, j'ai gardé celle-là, d'Universal Music. Universal Music avait demandé à Kyo de m'écrire une chanson. Car c'est votre dernier album avec Universal, en tout cas pour l'instant. Logiquement, oui. Logiquement, oui, voilà, très bien. On ne sait jamais. Vous savez, Je crois que le plus important, c'est de pouvoir faire le métier qu'on fait, de pouvoir continuer à le faire bien. Alors que ce soit une maison ou une autre maison de disques, c'est pas très important parce que... Vous avez déjà vu une vingtaine, hein? J'ai vu à peu près sept présidents. J'ai vu sept présidents passer dans la maison de disques dans laquelle je suis au départ. C'était Philips, qui a été racheté par Polygram, qui a été racheté par... Bon. Moi, je suis toujours là, et puis les présidents sont passés, par contre. Voilà. Donc, vous avez reçu cette chanson, vous l'avez choisie ensuite. Ça s'appelle « Ma religion dans son regard ». C'est le premier single extrait de l'album « Ma vérité ». Vous avez toujours su vous entourer des nouveaux talents de la chanson française. Ben, c'est indispensable. Là, c'est Olivier Dahan, c'est un talent cinématographique. Olivier Dahan qui a réalisé le clip. Mais c'est indispensable de s'entourer de sang nouveau à chaque fois pour durer, mais aussi pour avancer dans la musique actuelle. Moi, j'ai été sidéré. Au départ, j'étais un peu sceptique sur Kyo en me disant, bon, ils ont beaucoup de succès, ils ont beaucoup de talent. Il faut faire des choses pour eux-mêmes. Mais Ils ont, quand même ils ont quand même 25 ans, qu'est-ce qu'ils vont écrire comme, comme texte, par exemple, pour moi moi, j'ai quand même 62 ans, donc est-ce que ça va être crédible, à mon âge, de chanter des chansons de teenager, disons parce que Dadou Rondron, c'est bien assez dépassé, maintenant. Et puis, j'ai été surpris par la qualité des paroles. Ces mômes-là, ils écrivent comme s'ils avaient vécu déjà 40 ans. Et ça, je trouve ça formidable. Ils ont vraiment beaucoup de talent. Et c'est, j'ai été vraiment très impressionné par ça. Le groupe Kyo déclaré dimanche dernier, le 6 février 2026, sur la radio M Radio, la rencontre avec Johnny Hallyday, c'était au micro de Christophe Beaugrand. Ça fait quoi d'écrire pour Johnny? Pardon, vous aviez quoi, une vingtaine d'années? Et là, on te dit, t'écris pour Johnny Hallyday. C'est une case de cocher. Tu vois, il y en a quelques-unes comme ça que tu dois cocher. Tu te dis celle-là, on l'a fait. Ça s'est passé comment la rencontre? Vous avez pu échanger avec lui? Alors pour le coup, ouais, on l'a vu pas mal. Ouais. Et je crois qu'il est, alors il était en train de tourner le film Jean-Philippe. Jean-Philippe, c'est ça. Et donc il était dans sa loge. Ouais. Il était en costume. Et c'est vrai que souvent je raconte cette anecdote où. Nous, ça marchait vraiment très très fort pour nous, donc j'arrivais en bombant un peu le torse, tu vois, j'étais pas trop stress. Et quand je suis rentré dans la loge et que je l'ai vu, et là, tu sais, Johnny pour de vrai, il s'est passé quelque chose. Oui, il avait une aura, il dégageait un truc incroyable. Ouais, ce truc, c'est pas une légende. Son regard, son aura et tout, c'est pas une légende, c'est réel, quoi. C'était Benoît Poher du groupe Kyo, le chanteur, hein, qui parlait au micro du Christophe Beaugrand. Voici le titre, Ma religion dans son regard. Vous écoutez Érigé, la radio de Johnny Hallyday. On peut survivre encore s'il ne reste plus que l'amour, d'accord. On peut survivre encore ensemble, ensemble. Et quand on vous écorche, qu'on vous ôte l'épaule qui vous supporte, on peut souffrir encore longtemps, longtemps. C'est quand on n'y croit plus que le ciel vous entend et pardonne. Le temps ses vertus en somme. Et j'ai trouvé la lumière juste au bout de ses lèvres. J'ai pu quitter la terre ferme en fait. Et j'ai trouvé au moment où je n'avais plus d'espoir ma religion dans son regard. Et on a beau se dire que ce ne sera jamais pareil qu'avant, à force de reconstruire lentement, on avance. Et apprendre à sourire, essayer d'à nouveau faire confiance, pour finalement s'ouvrir et saisir sa chance. C'est quand on n'y croit plus que le ciel vous entend et y pardonne. Ses vertus en somme. Et j'ai trouvé la lumière juste au bout de ses lèvres. J'ai pu quitter la terre ferme en fait. Et j'ai trouvé au moment où je n'avais plus d'espoir ma religion dans son regard. jour, en 2004, Johnny Hallyday chantait en duo avec Isabelle Boulay et ce titre, « Tout au bout de nos peines ». Au bout de nos peines, si le ciel est le même, tout au bout de nos vies, aurons-nous tout écrit de nos chagrins immenses, de nos simples violences, qu'aurons-nous fait de vie? De nous, tout au bout de nos peines, jusqu'au bout de nous-mêmes, fatigués de nos cris et de nos corps aussi, tout au bout de nos chairs. Et les années 70. Et par ici. Je n'ai jamais mis les pieds dans une église. Je ne sais pas prier. Des prières, on m'en a jamais apprises. Non, jamais. Jamais. Oui, prends ma vie pour sauver mon

En effet, un nouveau Johnny est déjà annoncé fin 2004, toujours chez Universal. Son contrat oblige la star à y sortir encore un album. Pour la suite, tout se joue apparemment en coulisses. Cette proposition de sortir un album en 2004, ça fait partie, je vous dis, des négociations secrètes qui se déroulent en ce moment entre les deux parties, et je vous dis qu'elles aboutiront probablement d'ici 15 jours, 3 semaines. Rappelons que la carrière de certains chanteurs a été brisée suite à de tels différends avec leur maison de disques. Les négociations qui se tiendraient en ce moment font néanmoins penser qu'un tel drame n'arrivera pas à notre Johnny. C'était un reportage de M6, Plus vite que la musique, du 17 janvier 2004, avec quelques voix de Anthony Martin et de Bernard Violet. Et son avocat, l'avocat de Johnny, Jack Verrecchia, me racontait, j'étais aux côtés de Johnny devant le conseil de prud'homme le 5 janvier 2004, lorsqu'il donna la lettre de démission que j'avais rédigée un mois avant. C'est dire si cette décision était effectivement mûrement réfléchie. Nous n'étions cependant pas certains qu'elle soit acceptée sans difficulté, tant le statut de la star française numéro 1 chez Universal était unique, et sa démission fut finalement entérinée par jugement du conseil en date du 2 août 2004. Je pose la question suivante à Maître Jacques Verrecchia. Pouvons-nous savoir ou pouvez-vous dévoiler aujourd'hui les réels griefs, les raisons de démission de Johnny Hallyday envers sa maison de disques historique Universal Mercury ? Ces raisons sont-elles bien celles étalées dans la presse, dans les médias ? Maître Jacques répond « Je ne vais pas rentrer dans le détail sur Facebook, d'autant que j'ai consacré un chapitre entier à ce sujet dans mes mémoires « Avocat du patron » publié en 2024. » Pour faire court et rapide, le but que nous nous étions fixé avec Johnny dès 2003 et que les médias n'ont jamais connu à l'origine consistait à ouvrir concomitamment des négociations extérieures avec d'autres compagnies pour quitter Universal, que Johnny ne supportait plus pour des raisons personnelles et humaines, ce que personne, à part lui, ne pouvait contester après 42 ans de collaboration. Ce changement fut finalement obtenu après 2 ans de négociations diverses et multiples, alors que je poursuivais parallèlement la procédure judiciaire. Cette dernière n'était plus notre objectif principal, mais me permettait de faire monter les enchères afin d'obtenir ailleurs une liberté artistique totale que souhaitait Johnny pour faire uniquement ce qu'il avait envie de faire comme il le voulait, ainsi que des conditions financières supérieures correspondant à son statut de star. À sa plus grande satisfaction pour les 12 années qui allaient suivre, sans regret et sans état d'âme de sa part. On écoute le reportage suivant, c'était dans le journal TSR le 12 avril 2005, soi-disant que Johnny perdait son procès en appel contre Universal. Vous lisez en titre, Johnny Hallyday a perdu sa bataille. Le chanteur voulait récupérer et exploiter les enregistrements originaux de ses chansons mythiques. Enjeu financier colossal, il a perdu face à Universal. La justice donne raison au géant du disque, Marc Julmy. Souvenir, souvenir. 40 ans plus tard, les souvenirs de Johnny Hallyday valent toujours de l'or. Pas étonnant donc que ce dernier tente de récupérer les masters, soit les enregistrements originaux de ses succès, actuellement propriété de Universal Music, la compagnie avec laquelle il était sous contrat jusqu'au début 2004. Après une première décision favorable, la cour d'appel de Paris vient de trancher. Johnny a beau être l'idole de toutes les générations, son patrimoine enregistré reste dans les mains de la compagnie de disques. Johnny est déçu, les fans sont furieux, mais dans le milieu de la musique, on n'est pas vraiment surpris. En général, le propriétaire, c'est celui qui paye. En l'occurrence, dans le conflit qu'il oppose à Universal, depuis 1962, c'est Universal qui a payé toutes les productions. Des productions dont le potentiel commercial reste intact. Mais au-delà du cas personnel de Johnny Hallyday, Universal Music s'est battu pour éviter un verdict qui aurait, selon la société, constitué un précédent dangereux pour toute l'industrie du disque. Si ça se passait comme ça, ça voudrait dire que demain, tous les artistes vont tomber sur leur maison de disques respective pour récupérer leur master alors qu'ils ne les ont pas payés. Universal conserve donc un contrôle total sur son catalogue. Johnny, lui, perd une bataille, mais pas la guerre. Il pourra se consoler en chantant ses vieux succès sur scène. En fait, au départ, la demande principale de Johnny Hallyday était de se libérer de son employeur Universal et non de la sollicitation de la restitution des bandes qui n'était qu'une action stratégique pour arriver à leur fin. Au fil des salles d'audience de tribunal, leur objectif était atteint. La cour acceptait même sa demande expresse de mettre fin définitivement à son contrat le 31 décembre 2005 par l'enregistrement d'un dernier album « Ma vérité » et cet album sera un énorme succès vendu à plus de 800 000 exemplaires comme pour mieux signer avec panache sa dernière prestation au profit d'Universal. L'action engagée de Johnny contre Universal s'achève dans l'année 2007. Les deux parties signeront un accord mettant fin à la procédure et les choses en resteront là. Écoutons un extrait de l'album de la semaine, Ma Vérité. C'est le titre éponyme, Ma Vérité, sur le RIG, dans l'émission Johnny de A à Z. Retrouvons tout de suite Antoine Decaune et l'Odyssée Johnny Hallyday qui veulent parler du titre Voyage au pays des vivants. L'Odyssée Johnny Hallyday. Salut, c'est Antoine Decaune. C'est l'Odyssée Hallyday et aujourd'hui, je m'en vais vous narrer l'incroyable et mystérieuse affaire du médaillon porte-bonheur. À ses débuts, Johnny arborait pendu à son cou une chaînette avec un médaillon, le même que portait James Dean. La reproduction en or d'un petit sarcophage égyptien. Il en avait fait son porte-bonheur et ne manquait pas de l'embrasser chaque fois qu'il entrait en scène. Il faut saisir sa chance quand elle passe. Oui, il faut saisir sa chance quand elle vient. On ne sait pas d'avance quand elle passe. Par où elle commence, d'où elle vient. Un jour, c'est la catastrophe. Le médaillon qui porte chance à Johnny a disparu. Perdu, volé, avalé par mégarde, peut-être, on ne saura jamais. Peu après, conscient du désarroi de son ami, l'oncle Chris, se baladant au marché aux puces, trouve un autre médaillon. Celui-ci titille sa curiosité. Il s'agit d'un scarabée serti dans un mini-cadre en or. Il l'offre aussitôt à Johnny, mais ce n'est pas tout. Le bijou lui inspire le texte d'une chanson que vous connaissez tous. Je ne recommencerai jamais ce que j'ai fait. On doit la musique du voyage au pays des vivants aux deux musiciens anglais qui accompagnent Johnny à cette époque, le guitariste Mickey Jones et le batteur Tommy Brown. Côté parole, d'après l'oncle Chris, la première phrase « Alors le jour de ma naissance, un scarabée est mort et je le porte autour de mon cul » lui aurait été dictée par le médaillon lui-même. En effet, quelle n'avait été sa surprise lorsqu'en retournant ce fameux scarabée, l'oncle Chris avait découvert une date gravée, celle du 15 juin 1943, jour de la naissance de Johnny. Bon, d'accord, la coïncidence semble un peu trop incroyable pour être vraie, mais si la légende est plus belle que la vérité, colportons la légende. Tiens, profitons-en pour dire un mot à propos de l'oncle Chris qui, dans l'ombre de Johnny, a aussi publié plusieurs disques sous son nom. Après une période purement rock'n'roll, ce fan absolu d'Elvis Presley se tourna vers le folk en subissant l'influence de Bob Dylan. Ce dernier va libérer l'écriture de l'oncle Chris qui va même chanter « Elle m'appartient » d'après « She belongs to me » du maître. Je l'embrasse tous les jours et je l'aime le jour de sa fête. À Noël et la tambour, à carnaval, une trompette. Elle a tout ce qu'elle désire, c'est une artiste, elle m'appartient. Grâce au style si personnel de l'oncle Chris et à l'énergie brute des musiciens anglais, le voyage au pays des vivants a tout de suite séduit les fans. En 1992, à Paris-Bercy, 23 ans après sa création, Johnny avait choisi cette chanson pour démarrer son show. Pour la petite histoire, l'oncle Chris est aussi un admirateur des chants de Maldoror, de Lautréamont, d'où cette inspiration hantée, quasiment gothique. Dans un moment d'égarement, je pourrais te prendre les bras, les casser avec fracas et te les faire ensuite manger. Toutefois, quand il évoque des fleurs de porcelaine aux parfums interdits, c'est en référence à une anecdote bien réelle, en souvenir du soir où Mickey Jones et Tommy Brown tentèrent de se confectionner une pipe à haschich avec des fleurs tombales. Et là, je dis, halte à la drogue. Et je dis, oui au voyage au pays des vivants. Le jour de ma naissance, ce que j'ai fait. Oh non.

beau milieu d'un lac, sur mon vieux bateau qui craque, j'attends, oh j'attends, la brise du devenir et le souffle du désir, le vent. Bateau qui craque sur l'océan, sur ma flaque, j'attends. Que les hommes me fassent ma peur, que renaisse en moi mon cœur d'enfant. John Hallyday au Palais Sport en juin 2006. On retrouve l'album de la semaine qui est Ma Vérité, mais Johnny continue sa promo sur le plateau de Canal+, dans le Grand Journal. C'était le 8 novembre 2005 et on va parler de l'album et aussi du titre La Paix, écrit par Zazie. Premier talk show pour la sortie de votre 42e album qui est l'un des plus beaux. Parce que d'abord il s'appelle Ma Vérité, que vous avez fait appel à beaucoup d'auteurs qui ont beaucoup de talent, comme Zazie, comme Guy Carlier, c'est très éclectique, comme Passy, comme Doc Gineco, comme votre fils David. On va tous les citer tout à l'heure. Michel Mallory, bien entendu. Daran, il y a plus, plein. Et on a l'impression, ce disque vous ressemble tellement et que c'est vous qui avez tout fait, tout écrit, tellement ça vous ressemble. Non, j'aurais bien voulu tout écrire. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quasi autobiographique. On a l'impression que c'est... Oui, en disant que c'est un album que j'ai voulu, dans ma réflexion du moment, dans mon mood du moment, j'ai voulu faire un album qui me correspondait à mon état d'esprit actuel, disons. Alors on pourrait dire avec le excusez-moi. L'état d'esprit. Ben, pas une remise en question. Je me suis penché un petit peu sur un petit peu toutes les emmerdes que j'ai pu avoir depuis quelques années. On va pas tout rénumérer. l'arrivée de ma fille Jade, le bonheur de ma fille, de ma vie. Sans oublier mes autres enfants, hein, bien sûr. Puis ma prochaine tournée que je vais entamer en juin 2006. On va y revenir dans le détail. Et puis les films que j'ai pu faire ces derniers temps. Est-ce que vous êtes à un âge où on assume tout. Et dans la chanson que vous avez écrite, Zazie, ça résume assez bien ça pour vous. J'ai payé le prix, qu'on me fiche la paix. Voilà, je peux tout vous dire, vous savez tout sur moi. Vous savez, j'ai dîné un soir avec Zazie, qui m'avait déjà à l'époque écrit Allumer le feu. Et je lui dis, écoute, je suis en train de préparer mon nouvel album, ce serait bien que tu m'écrives une chanson. Et elle me dit, oui, puis on discute, et puis on discute au cours de la soirée, comme ça, et puis je lui parle un petit peu, elle me parle de ses problèmes, je lui parle des miens, je lui parle de ce que j'ai vécu, etc. Et puis on se quitte. Une quinzaine de jours plus tard, elle m'envoie une maquette avec une chanson qu'elle avait commencé à travailler avec le garçon avec lequel elle vit. Et c'était La Paix, c'est un qu'on m'affiche La Paix. Donc on a changé quelques trucs, des petites choses hein, dans le texte qui me tenaient plus à cœur, des choses que j'avais pas envie de dire, des choses que j'avais envie de dire. Et puis voilà, la chanson est née. C'est vrai que vous avez tout payé cash dans la vie. Ah ben oui, en grande partie, oui. Ouais. Donc vous êtes qui j'aime pas trop. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu le sentiment ces dernières années qu'il y avait un peu d'acharnement sur vous? On vous cherchait un peu surtout sur l'adoption de votre fille, vous savez, sur l'histoire. Je crois très honnêtement que en France, quand on réussit quelque chose, les gens, ça ne plaît pas à tout le monde. En France, c'est bien de faire des choses, mais si on réussit trop, ça agace beaucoup de gens. En France, il faut bien se dire une chose, c'est que les gens n'aiment pas les riches. Mais il n'aime pas plus les pauvres forces que pour ça. Hein. Donc il ne faut pas être riche. Quoi. Bon. Mais vous, en fait, vous. Vous brassez, mais d'après ce que vous dites, Johnny. Mais de toute façon, je vais rajouter à ça, c'est que de toute façon, en France, on n'a pas beaucoup de chance de devenir riche. C'est vrai que vous avez brassé beaucoup d'argent, mais vous n'êtes pas riche. Non, je ne suis pas riche. Je vis bien. Je fais vivre ma famille comme on a envie de vivre, c'est-à-dire que je ne pense pas dans 2 ans d'économiser pour me dire je vais partir en vacances. Donc si j'ai envie de partir dans 15 jours, je pars dans 15 jours. Mais vous mettez pas d'argent de côté, vous... Non, mais j'ai pas le temps. Vous savez, il y a tellement de gens qui passent avant moi, avant que je puisse les dépenser, que de toute façon, je peux dépenser que ce qu'on me laisse. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Bien, quand vous gagnez 100 euros, il vous en reste 27, hein, vous avez dit. Ah, à peu près, ben, ouais. Oui, 27, 28. Et c'est vite parti. Hein. C'est vite parti, oui. Alors, il faut en faire des spectacles et des disques. Et des pubs Optique 2000, c'était pour ça. Hein. Vous avez dit que la pub Optique 2000, vous l'aviez fait pour payer votre toiture. Oui, ben, ça, c'était avec une trace avec un trait d'humour que j'ai dit ça. Voici la paix, extrait de l'album de la semaine, Ma Vérité. Combien de rires et de pleurs, combien de filles dans mon lit, combien de fautes et d'erreurs, combien j'ai payé le prix, combien d'argent j'ai gagné, combien d'amis j'ai perdu, combien pour deux fois j'ai voulu. On me fiche la paix, on me fiche la paix, on me fiche la paix, enfin. On me fiche la paix, on me fiche la paix, que je trouve. Johnny et les années 80. Oh! Ah! Quel métier fatigant. J'irai dans la ville basse, chez Madame Lolita. J'offrirai le champagne à ses filles sans joie. On se fera la fête jusqu'au petit matin. J'irai dans la ville basse chez Madame Lolita. J'irai dans la ville gaie, j'irai chez Casino. Je prendrai mes souvenirs, mon avenir et ma peau. Et je jouerai coup sec, le tout sur le zéro. Oui, j'irai dans la ville basse chez Madame Lolita. Ville triste, rue de la SPA. Je chercherai un chien, un plus perdu que moi. Si je n'en trouve pas, j'irai voir côté chat. J'irai dans la ville triste, rue de la SPA. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Et on retrouve notre héros à Palais des Sports en juin 2006. Et ce titre, écrit par Guy Carrier, ce qui tue pas nous rend plus fort. De Mitch, oui, n'est-ce pas, hein? J'ai toujours caché mes blessures, tous les vautours qui me guettent. On m'a souvent laissé pour mort, et mon cœur cassé par encore. Des coups au cœur, des coups au corps. Ce qui tue pas nous rend plus fort. J'ai toujours caché mes regrets, jamais de signal de détresse. Et souvent quand je titubais, ah, c'était de douleur, pas d'ivresse. On m'a souvent laissé pour mort, les coups au cœur, les coups au corps. Ce qui tue pas nous rend plus fort. Vous allez chanter avec moi maintenant. On va pas vous entendre. Les coups au cœur, les coups au cœur. Ouais. Mais mon cœur cassé bat encore. Hey. Simplement, j'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue? Oui. Eh bien alors, juste après la pub. Hallyday by Hallyday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. TF1 présente Johnny Hallyday. Flashback, l'événement musical de l'année 2006. Vivez la légende. Johnny Hallyday, flashback du 2 au 30 juin 2006 au Palais des Sports de Paris avec RTL. Johnny Hallyday. Mercury. Gardez votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. j'étais un charpentier. Si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant? Ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi. Je l'aurais construite pour toi, seul avec mes mains. Prends l'amour que je te donne, tu dois être forte. Quand notre fils sera un homme, il aura beaucoup à faire. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, ah, mes mains seraient sèches et dures, et les tiennes si fragiles. Ah, les hommes et leur colère viendraient la nuit pour tuer. Ah, nous fuirions dans le désert, cacher le nouveau-né. J'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Si j'étais un charpentier, Johnny Hallyday en 1967. Revenons à l'album de la semaine qui est Ma Vérité, sorti le 7 novembre 2015. Et Johnny continue sa petite promotion, toujours dans le grand journal de Canal+. Et là, on va parler du titre Le Temps qui passe. Alors, Don Passy et Stomy Bugsy, ce qui est assez étonnant au départ, puisque vous le rap, ça n'a jamais été trop votre tasse de thé. Et là, ben, vous en êtes approché. C'est pas ma tasse de thé, c'est ouais. Que le rap, j'en fais pas, que c'est pas ma génération, c'est pas ma culture, le rap. Moi, j'ai rien contre le rap. Il y a du bon rap. Puis il y a du mauvais rap, comme il y a la bonne chanson et de la mauvaise chanson. Simplement, c'est que ça m'a amusé de faire ça. D'abord parce que c'était Passy que j'aime beaucoup, Stomy et Stomy qui fait de plus en plus de cinéma maintenant en tant qu'acteur. Et puis mon vieux doc gynéco qui est là. De temps en temps. Ça va, je me réveille. Bon. Et puis bon, ça c'est. On s'est retrouvés comme ça, tous les quatre en studio, ça a été formidable. Et puis, j'ai dit, je vous préviens, les gars, je ne rappe pas avec vous. Moi, je fais la partie chantée et vous rappez. Hein. Il faut une certaine dextérité pour parler comme il parle. C'est-à-dire, moi, j'y arrive pas. Il voulait que vous rappiez. Au départ, est-ce qu'il ne peut pas faire un petit truc avec nous? J'ai dit, non, mais ça, je ne sais pas le faire. Alors, il dit, bon, ça tombe bien, nous, on ne sait pas chanter. Alors, bon, ça, on s'est arrangé comme ça. Et puis, voilà. Mais je dois dire que ça m'a fait plaisir aussi de faire ça avec eux, parce que c'est en dehors que ce sont des garçons vraiment très sympathiques et très courtois dans la vie. Hein. Certains sont beaucoup plus courtois que certains autres chanteurs que je connais. Ces deux générations qui se retrouvent, c'est vraiment. Mais on vient, eux et moi, on vient de la rue quand même. Notre culture, ça a été au départ la rue. Donc c'est une bonne chose d'avoir fait, qu'on ait fait ça ensemble, je pense. Ouais, c'est vrai. Et puis ça va peut-être donner un peu d'espoir à tous les mômes aujourd'hui qui sont dans la rue et qui ferait mieux de suivre notre exemple plutôt que de lancer des pierres. Mes baskets blanches, mes locks, l'encre a coulé comme le Trois-Rivières. Ouais. Au fond des blocs, enfant des îles, fils d'une classe ouvrière. L'idole des jeunes doc restera le même, de Porte de la Chapelle aux ondes hertziennes. À l'heure où le monde se bouscule, je repasse ma vie à l'envers. J'en ai fait des rêves, des calculs. J'ai jamais voulu vraiment me laisser faire. Jamais. Le temps passe, non je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette rien. Rien ne s'efface, mon destin me ressemble nos bien. Nos rêves, nos points, nos guides et nos refrains. Et le temps passe, pourtant je ne regrette rien. Rien de rien.

da do long long long da do long long yeah yeah yeah da do long. Dadu Long Run, Johnny Hallyday en 1963. Johnny poursuit la promotion de son album Ma Vérité sur les plateaux de télévision comme sur la chaîne LCI où Johnny est au micro de Nikos Eliagas. Salut les loups, Johnny était dans l'émission Ça donne envie le 25 novembre 2005 et on parle avec le taulier de la chanson Mon plus beau Noël. Alors Ma Vérité, pour moi c'est clair. On a le sentiment que cet album fait écho à tout ce que vous avez vécu ces derniers temps. Oui, enfin, en tout cas, ces trois dernières années. Les bons, les mauvais, enfin, un peu de tout, quoi. Ouais, les bons avec Jade. Avec Jade, avec la rencontre qu'on a eue avec Jade la première fois qu'on l'a vue, et puis notre vie avec elle maintenant tous les jours, qui est une chose inexplicable d'ailleurs, parce que c'est formidable. C'est cette petite fille qui, dès le matin, vous sourit et qui est heureuse d'être là et heureuse de nous voir. C'est la chose la plus merveilleuse du monde. Ça balaye un petit peu tous les autres mauvais souvenirs qu'on a pu avoir depuis les trois dernières années. C'est pour elle, ma religion dans son regard ? Oui, c'est un peu pour elle, c'est un petit peu pour Laetitia. Ce qui est surtout pour Jade, c'est surtout mon plus beau Noël. Parce que c'est vrai qu'il ne s'agit pas de Noël, il ne s'agit pas des fêtes de Noël, il ne s'agit pas de Noël proprement dit. Ça peut être n'importe quoi. C'est mon plus beau Noël, c'est-à-dire c'est elle et mon plus beau Noël. Que ce soit février, mars, avril, juin, n'importe quel mois de l'année. C'est le plus beau cadeau de Noël qu'on ait pu recevoir, Laetitia et moi. Et puis il y a aussi la chanson de Mireille Robin qu'elle a écrite aussi pour Jade. Énorme. Elle s'en moque. Elle s'en moque, oui. C'est vrai que moi, ce qui m'a plu dans ses paroles, c'est que plus tard, quand les gens lui diront qu'elle avait un papa chanteur de rock, de ça elle s'en moque. Elle veut juste un papa qui soit là, qui l'aime et qui la regarde pousser. Retour au Palais des Sports. Johnny Hallyday lors du Flashback Tour en 2006. Ça y est, c'est le taulier, Johnny Hallyday. J'avais oublié à quel point on se sent petit. Dans les yeux d'un enfant, plus rien ne compte, juste sa vie. J'avais mis de côté tous ces instants qu'on croit acquis, ces instincts qu'on découvre, avec toi je grandis moi aussi. Et voilà qu'à nouveau je fais des projets dans ma vie pour te laisser du beau, rien que de l'amour, mais aussi. Je me prends à rêver qu'un jour tu voudras partager ce qui de près ou de loin dans ma vie a compté. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. Il y a tellement de choses que j'aimerais te raconter pour te donner la force, le courage de tout affronter. Si je peux te transmettre ce formidable goût d'aimer, de tous les hommes je serai le plus heureux, le plus comblé. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas.

passer de leur tour, et plus près de vous. Où je suis loin. Johnny Hallyday en 1998, extrait de l'album Ce que je sais, c'était le titre Plus près de vous. Revenons à nouveau sur l'album de la semaine. Dans quelques instants, oui, bien sûr, Johnny, on va le retrouver dans le JT de 20h de France 2 au micro de David Pujadas. Donc, on va parler un peu de son album blues que la maison de disques Universal Music ne voulait pas que Johnny fasse. Ce nouveau disque de Johnny Hallyday fait suite à une tournée. Une tournée jouée comme toujours à guichet fermé, une tournée des tribunaux. Soucis judiciaires, sans oublier la polémique autour de l'adoption de sa fille. Accusé d'avoir bénéficié de passe-droit, Johnny s'indigne. Johnny chante sa vérité. Avant de quitter sa maison de disques Universal et son président Pascal Nègre fin 2006, le chanteur devait, contrat oblige, enregistrer un album. Les paroles sont signées Zazie, Kyo, sans oublier Ministère Amer. Des rappeurs qui viennent comme Johnny de la rue sa jeunesse, que l'artiste n'oublie pas. Et quand vous êtes chez vous, vous écoutez ces petits jeunes, j'allais dire, ces disques-là. Qu'est-ce que vous écoutez dans votre appartement? Il y a quoi sur la platine? Oh, j'ai pas de platine. J'ai des CD maintenant. Voilà. On n'est plus avec des platines. Platine CD. Oui, platine CD. Oh, ben j'écoute tout ce qui se passe. J'écoute tout ce qui sort, ce qui m'intéresse. Du m'intéresse rock. À la musique, du rock, de la variété, du jazz, du rap, du hip-hop. Ouais. La musique, mais, ça reste votre vie. Oui, parce que la musique. Imaginez un monde sans musique. Déjà, le monde n'est pas terrible en ce moment. Alors, imaginez en plus s'il n'y a pas de musique, ce serait une catastrophe. Et j'ai vu que vous rêviez de faire un disque de blues. Pourquoi, oui, ça, c'est mon rêve. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Mais parce que j'avais des problèmes. Parce que les maisons de disques avec lesquelles je me trouvaient que ce n'était pas intéressant que je fasse un album de blues. Parce que un album de blues va vendre moins qu'un album plus, disons, plus grand public. Mais je veux le faire, mon album de blues, même si je dois le faire moi-même, tout seul, je le ferai, j'y tiens beaucoup. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est ça, c'est faire des choses que j'aime, ce sont mes racines, le blues. Puis le cinéma aussi, de faire l'acteur, c'est formidable. Je suis très heureux parce que j'ai fait pas mal de films ces derniers temps. J'ai fait un film avec Yves Régnier qui va sortir le 17, qui est formidable, où je joue le rôle d'un gangster. Alors, je ne suis pas un gangster dans la vie, mais c'est formidable de pouvoir jouer des choses qu'on n'est pas. Très différente de soi. Voilà. Johnny le comédien, Johnny le musicien, la vérité de Johnny Hallyday. Merci d'être revenu répondre à nos questions. Eh bien voilà, c'est exaucé, hein. Johnny Hallyday en 2007 composait son, du moins on lui offrait son album de blues. C'était Warner Music qui lui offrait sa nouvelle maison de disques. Et Johnny jouait aussi dans le Commissaire Moulin dans l'épisode Kidnapping. J'ai traversé cette terre tellement de fois, pourtant j'ai l'impression de n'avoir fait que quelques pas seulement. Et j'ai toujours ce feu qui fait danser mon âme, ce besoin d'un regard pour le jeu, pour le charme, toujours l'envie de l'essentiel. Alors vraiment, vous, madame, ne m'attendez pas. attendu souvent. Mais j'ai l'intime évidence de n'avoir rien connu vraiment. Et je respire encore au souffle des musiques. Et je peux croire encore à cet instant magique. Le bonheur aux yeux d'un enfant. Alors vraiment. Se voir. Le monde n'est pas si mal et il n'est pas si tard. On s'avance, ne m'intéresse pas. Alors vraiment. Retrouver une dernière fois Michel Mallory à la composition, ou du moins au texte, sur le titre Apprendre à aimer sur l'album Ma Vérité. Effacer d'un trait tous ces visages pour qu'il ne reste aucun autre que le tien. Briser tous les ponts, brûler les pages de ma mémoire ou traîner mes victoires sans lendemain. Ne plus rien cacher. Même mes larmes, oser ces mots que j'avais cru oublier, renier mon passé, rendre mes armes, trouver la force de croire qu'avec toi un jour je vais. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Ah ben encore une fois, on va retrouver Johnny Hallyday au Palais des Sports avec ce titre, Si tu pars, extrait de l'album de la semaine, Ma Vérité. Si tu pars, je veux que la terre entière se couvre de brouillard et que le silence s'installe dans les villages, que plus rien ne bouge en ville et sur les plages, qu'on n'entende que le vent qui hurle, qui crie et qui comprend. Si tu pars, je veux qu'on brûle les violons et les guitares, qu'on renvoie les musiciens et les poètes, qu'on oublie Noël et tous les jours de fête, qu'on exile les oiseaux. Que l'on bannisse ce qui est beau. Si tu pars, je veux que tous les trains du monde restent dans leur gare. Je veux qu'on bloque les routes, qu'on ferme les frontières, qu'on instaure le couvre-feu, le droit de guerre, que le RIF soit interdit, que le plaisir soit aboli. Si tu pars, je veux qu'on bloque les routes, qu'on ferme les frontières, qu'on instaure le couvre-feu, le droit de guerre, que le RIF soit interdit, que le plaisir soit aboli. Si tu pars, je veux que la terre entière se couvre de brouillard et que le silence s'installe dans les villages, que plus rien ne bouge en ville et sur les plages, qu'on n'entende que le vent qui hurle, qui crie et qui me comprend. Si tu pars, oh si tu pars, ça ne finira jamais. Johnny et les films. En 2005, en juillet et août 2005, Johnny commence le tournage du film Jean-Philippe et qui sortira courant début semestre, dans le semestre 2006. Et là, il chante Rock'n'Roll Star avec Fabrice Luchini. De déchirure et de folie. Pour les mécalades de mesure, l'amour, le danger. C'est fait de plantes noires, de blues de désespoir, une rock'n'roll star. Une rock'n'roll star. Et faut-il garder dans le cœur toutes les blessures de l'enfance? Ce mal de vivre d'adolescent et des océans de violence. C'est fait de rouge, de noir, de peur et puis de gloire. Une rock'n'roll star. Une rock'n'roll star. Et une rock'n'roll star. Et que la musique que j'aime pour encore dans mes veines et l'acier des guitares. Être une rock'n'roll star. Oui, une rock'n'roll star. Tout en haut, tout en cuir, tout en noir. Combien faut-il vendre mon âme pour que la gloire soit toujours mienne? Oh, c'est le pire, même au-delà, jusqu'à la rupture, l'extrême. C'est fait de blanc, de noir, de blues, de désespoir. Une rock'n'roll star. Ce titre, Rock'n'Roll Star, a été chanté en répétition pour le Bercy 1992. Donc, Michel Mallory avait composé cette chanson en 91 ou 92, un truc comme ça, quoi, hein, quoi qu'il en soit. Voilà, cette chanson existe depuis au moins cette période-là, début des années 90. Retrouvons l'album de la semaine, Ma Vérité, pour le dernier titre, De Savoir Près de Moi. Les accords qui résonnent au plus profond de moi, à ces cordes qui sonnent et vibrent sous mes doigts, mon destin sera de prolonger tout ça. La chaleur des lumières et le froid de la peur, puis ces gestes les mêmes, toujours à la même heure, enfin ces vagues humaines qui me bouleversent sur scène. S'abandonner au rythme des mains qui se lient, chacun de mes refrains enflamme mon esprit, qui rêve et me supplie de chanter toute une vie. Je pourrais tout défaire si tu viens contre moi. Oublier ciel et terre d'un signe de toi, tout briser et me taire pour un regard de toi, renoncer, me soustraire. lâcher et tout recommencer. Le regard de ces femmes indiscrètes dans l'âme qui cherchent à conquérir l'insignifiant reflet, une image à séduire d'un homme à protéger. Je pourrais tout défaire si tu viens contre moi. Oublie ciel et terre d'un signe de toi. Tout briser me taire pour un regard de toi. Renoncer, me soustraire pour te savoir près de moi. Tous ces gens inconnus qui choisissent ma voie, je ne l'ai pas voulu, mais pris à la fois. J'ai donné et reçu, j'ai bien mérité ça. Je pourrais tout défaire si tu viens contre moi. Oublier ciel et terre d'un signe de toi. Notons sur l'album Ma Vérité l'apparition de Jeff Dockmore qui sera le batteur de Johnny jusqu'en 2016. Quand on me dit que je suis un chanteur de variété, ça me vexe beaucoup. Parce que pour moi, c'est pas la musique que j'aime. Si pour survivre, je dois faire ou refaire de la variété, comme j'ai fait de temps en temps, et ben je préfère baisser mon froc et je préfère la variété. Johnny et les années 80. Je veux Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Allez, dernier tour au Palais des Sports en 2006 avec une chanson qu'avait soumis l'avocat de Johnny Hallyday, Maître Jacques Verrecchia. Il lui a proposé, mais pourquoi tu chanterais pas la quête ? Il lui a fait écouter la version de Cabrel, de Jacques Brel, la version d'Elvis Presley, et Johnny l'interpréta enfin. Là, c'était aux Vieilles Charrues en 2006. Rêver à l'impossible rêve, porter le chagrin des départs, et brûler d'une impossible fièvre, puis partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer et même trop, même mal, et tenter sans force et sans armure, oui, d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps, ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'ordre d'un mot d'amour. Et je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousserait de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé. Et brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre, croissant les cartes, les s'achève cette émission Johnny de A à Z, spécial album de la semaine Ma Vérité, sorti le 7 novembre 2005. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté cette émission et de la suivre chaque mercredi. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 600e émission Johnny de A à Z sur RIG. Merci encore à toutes et à tous. À très vite, à la semaine prochaine. Ciao, ciao!